Tes yeux brûlent dans l'ombre interdite. Chaque souffle vite m'invite. Je cède au feu, je perds ma voix. Chaque mot secret parle de toi. Ride ce qu'il murmure dans la nuit. Savoir où me tient, me sous. Nos deux voix s'enlacent, se condamnent. Chaque mot franchis la flamme. Feel the danger, taste the flame. Whisper slowly, call my name. In the dark, shadows collide. Right up here, right by my side. Born a secret, called in sound. Vibration devient ivre. Sous la base, nos âmes s'élèvent. Chaque passion devient une trêve. Feel the danger, taste the flame. Whisper slowly, call my name. In the dark, shadows collide. Nos lèvres s'effleurent. Chaque mot franchit nos peurs. Je sens ton souffle contre ma peau. Chaque note devient un fardeau. Rider Skill me guide dans l'interdit. Savoir où m'attache à l'infini. Nos murmures glissent dans la nuit. Chaque désir devient un cri. Nos voix frappent, nos corps s'élancent. Chaque vibration devient jouissance. Sous les néons, la fièvre éclate. Oreilles ce qu'il règne brutal opaque. Feel the danger, taste the flame. Whisper slowly, call my name. Shadows collide, riders kill right by my side. Born of secrets, carved in stone. Written in scars unbound. We are riders kill, eternal. And our voices shake the ground. Sous ton nom, je me perds encore. Chaque souffle m'appelle plus fort. Ride a skill brûle dans mes veines. Un chant interdit, douce chaîne. Ride a skill. Ride a skill. Ride a skill. his skin.